Selon une news de Corée du Sud datée du 20 courant, les citadins de Pyeongtaek de la province du Gyeonggi ont protesté catégoriquement contre l'arbitraire des troupiers américains qui ont installé un radar tout près du quartier résidentiel. En mai dernier, l'infanterie de marine US en Corée du Sud a installé le radar à 20 mètres du village d'une soixantaine de foyers pour la surveillance aérienne.